l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Allez, c'est parti pour 3h. C'est que du fun sur Fun Radio jusqu'à 20h pour m'accompagner. Il y a Kaufman qui est là. Salut Kaufman. Hello. Ça va bien? Bien, et toi? Oui, en pleine forme. On a fait quoi de beau aujourd'hui? On s'est baladé? Oui, j'ai été jusqu'en Allemagne. En Allemagne, carrément? Ouais, parce qu'aujourd'hui commençait la Gamescom, qui est plus ou moins le plus gros salon européen consacré aux jeux vidéo. Et tu sais que j'aime les jeux vidéo. Bien sûr. Donc j'ai été manger à la fois une saucisse de Francfort et à la fois jouer aux jeux vidéo. Très bien. Il y a également Laurence qui est avec nous. Ça va, Laurence? Ça va super bien. Et j'ai fait un truc de fou aujourd'hui. T'as fait quoi? À midi, j'étais au resto. Oui. J'étais mangé et j'ai pas pris de dessert. Et t'as pris de dessert, c'est bien. Ah, c'est bien pour ta ligne. Merci. C'est cadeau, est-ce que c'est tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Mais parce qu'il y a la glace tantôt. Ah oui, la glace. Je me suis préservée. Ah, c'est vrai. À 18h, hein, Kaufman, c'est bien ça? 18h, 19h, au 33 avenue Télémaque. Il fait beau, il fait chaud et tout le monde a envie de manger sa petite glace aujourd'hui. Bien sûr. Au goût Fun Radio, 33 avenue Télémaque à partir de 18h. On vous attend nombreux et nombreux. Enfin, pas trop quand même, parce que sinon il n'y en aura plus pour moi. Et c'est gratuit. En plus, venez 33 avenue Télémaque à Forêt entre 18h et 19h. Glacier Zizi vous régale la glace Fun Radio au goût Fun Radio. C'est vraiment une très bonne glace. Kaufman l'a mangée déjà. Hein. Manger, c'est peu dire. Ah, oui, vraiment. Laurence aussi l'a goûté. C'est vraiment une très bonne glace. C'est le dernier jour pour en profiter. Après, fini les glaces. Et en plus, il fait beau aujourd'hui. On a de la chance. Hein. Parce que la semaine dernière, il pleuvait. Il y a deux semaines, il pleuvait. Aujourd'hui, il fait beau. Pour la suite de l'émission, il y aura Sarah Al-Salove. Laurence, tu vas lover sur quoi? Sur un garçon qui, en fait, sait imiter le cri du canard, mais à ses dépens. C'est pas vraiment voulu, en fait. Ok, très bien. Kaufman, tu vas râler. Sur une compétition de plongeon qui tombe à plat. Ok. La Fun Beauty, Laurence? Alors, on va parler d'une nouvelle collaboration entre un designer belge et des fameuses baskets qu'on a tous dans l'équipe et qu'on adore. Et Kaufman qui est parti en Allemagne chercher des infos, peut-être pour le Fun Game? Exactement. J'ai des infos concernant Assassin's Creed, le film, encore et toujours des infos exclusives, donc. Et on a toujours des cadeaux à vous faire gagner, des places pour aller faire du wave karting, Kaufman. Ah bah oui, si vous aimez la mer, la plage et les sensations fortes, on vous offre vos places pour aller à Zeebrugge faire du wave karting. On vous explique tout ça, mais en attendant, vous pouvez commencer à jouer en envoyant mer, MER, au 6322 pour 1€ le message. On vous explique tout à l'heure. Et j'ai vu la vidéo qui est sur les réseaux sociaux de Fun Radio. Oui. On te voit dans la vidéo, petit malin. Ah, j'ai pas vu. On te voit, il est à l'aise comme ça sur le jet ski, hop. Et... Par contre, toi, t'es très blanc. Je sais pas si c'est un problème d'image. Non, mais, je crois pas. Ouais. Il est 17h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. Triste anniversaire aujourd'hui puisque ça fait tout juste 20 ans qu'étaient retrouvés les corps des petites Julie et Mélissa enterrées dans le jardin de la maison de Marc Dutroux à Sarre-la-Buissière. 8 ans plus tard, ce dernier devait être condamné à perpète pour le rapt, le viol et la mort des deux fillettes, sans oublier évidemment Anne et Fieux, deux autres victimes de Dutroux étant elles retrouvées vivantes. La vérité judiciaire a donc éclaté il y a 12 ans, mais qu'en est-il de la vérité tout court? C'est qu'il y a toujours des zones d'ombre dans cette très sordide affaire. Comme le rappelle Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie, on ne sait toujours pas qui a enlevé les gamines, ni comment. Et puis surtout, il y a cette tache de sperme retrouvée dans la cache de Marcinelle. L'ADN révèle que ce sperme n'était pas celui de Dutroux, ni d'un de ses complices connus. Et à ce sujet, Michel Bourlet, l'ancien procureur du roi de Neuchâtel, se veut optimiste. Pour lui, même si 20 ans ont passé, tout espoir de connaître la vérité n'a pas disparu, vu que cet ADN pourrait, qui sait, ressurgir un jour ailleurs. Et puis, il n'est pas impossible non plus qu'un jour on finisse par apprendre la vérité sur les tueurs du Brabant dans les années 80. On a en tout cas eu droit ces dernières semaines à de nouvelles révélations, notamment de la part d'un ancien gendarme qui affirme avoir reçu l'ordre de ne pas surveiller un carrefour stratégique à Hal le 10 novembre 85, juste après la tuerie du Deleuze d'Alost. Reste à savoir ce que ça cache. Les journaux L'Echo et De Tijd ont mené une petite enquête pour savoir combien de postes étaient vacants en Belgique. Une enquête qui n'est pas exhaustive, mais qui révèle qu'il y en a au moins 17 000. Donc, il y a moyen de trouver du boulot pour pas mal de gens. Pour peu, évidemment, qu'ils aient reçu la formation adéquate. On parle soit de personnes hautement qualifiées, comme des ingénieurs, ou alors avec des compétences spécifiques, comme les couvreurs ou les conducteurs dans jeunes chantiers. Notez aussi que, dans certains cas, on ne demande même pas aux travailleurs d'avoir de l'expérience. Le diplôme suffit. C'est notamment le cas dont 20% des postes à pourvoir dans la chimie, la pharmacie ou les biotechnologies. Juste avant le début des Jeux Olympiques, une agence de notation avait affirmé que la Belgique ne remporterait pas la moindre médaille. Bah là, on peut dire qu'elle s'est plantée dans la grande largeur, hein, parce que ces JO 2016 sont au contraire une excellente cuvée pour notre pays. Jadine Dore a en effet ajouté une cinquième médaille au bilan belge actuel en remportant le bronze lors de l'Omnium de cyclisme. Et l'Omnium, bah, ce sont des épreuves combinées, un petit peu comme l'heptathlon en athlétisme, qui nous a valu une médaille d'or. Et c'est justement une médaille d'or qui est de Red Lions, donc notre équipe de hockey sur gazon, convoite, vu qu'ils viennent de se qualifier pour la finale, après une très belle victoire face aux Pays-Bas, une finale qui sera disputée contre l'Argentine. Donc on sait déjà que la Belgique aura au moins 6 médailles, et la dernière fois qu'elle en a gagné plus, à savoir 7, bah c'était en 1948. Et au cas où les Red Lions seraient sacrés champions olympiques, ça nous vaudrait donc 3 médailles d'or pour la première fois depuis 1924. Là, on pourrait parler d'un bilan vraiment exceptionnel. Fun Radio. Dans un instant, c'est le Sarah Al-Salov. Là, on fait un point sur la météo avec Carlo. Il fait beau, il fait chaud. Ouais. Là, dis-moi que ça va durer. Dis-moi que ça va durer. Pour demain, ça va râler, ça va pas lever. Avec les températures encore acceptables entre 21 et 24 degrés, mais le retour des nuages, ça dit, ça va pas être la grosse drache nationale non plus. Hein. Il y aura quelques ondées, essentiellement sur la partie sud-est du pays. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je laisse en compagnie de David et du son de Môme. Salut. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. L'émission qui fait daber entre 17h et 20h, c'est que du fun sur Fun Radio. Since I've had these grooves, cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. So the unknown. Oh, l'après-midi sur Fun Radio. Le son Dance Floor continue avec Willy William. C'est le moment de râler et de lover. On commence par Laurence qui va lover aujourd'hui. Exact. Moi, je vais vous parler en fait d'Anthony. Donc, c'est un garçon qui a une dizaine d'années. Ouais. Et comme tous les enfants de son âge, il a plein de jouets. Ok. Sympa, mais Anthony, oui. En fait, il a décidé de jouer avec les jouets de son chien. Ah, oui. Et bah jusque-là, ça va encore. Ouais, ça va. Et ouais. En fait, il s'est malencontreusement enfoncé le jouet de son chien dans le nez. Dans le nez? Oui. Ok. Il a pas fait exprès. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, sa maman, bah, elle l'amène à l'hôpital parce que c'est quand même grave et tout, aux urgences. Bien mais sûr. Elle remarque un détail quand même bizarre. Et donc, elle prend son téléphone et elle décide de filmer. Et okay. Ça donne ça. Where are you, Anthony? In the emergency room. Why are you? L'enfant, il est en train de parler là. Ouais. Et quand il parle, on entend le bruit du chien. Mais deux. Ouais. Du jouet. Il couine en fait, l'enfant. Attends, il va tousser un moment. C'est horrible. C'est pas très drôle, mais voilà, au moins, voilà, au final, c'était quand même. On va plus en rire qu'en pleurer. En plus, il s'en est sorti, donc ça va. Mais le pauvre, il a quand même couiné. Et je pense qu'on va le marquer dans son CV plus tard. Voilà. T'imagines la protection qu'il lui a fallu pour faire le chemin de chez lui à l'hôpital avec le nombre de chiens qui devaient le poursuivre. Imagine le mec qui couine comme ça dans la vie. Ça va bien, t'as passé une bonne journée? Where are you, Anthony? Ça me fait mon après-midi, ça. Voilà. Mais le pauvre, j'espère qu'il va s'en sortir. Non, en tout cas, il va bien, courage. Il va bien. Bon courage à lui, en tout cas. Kaufman, toi, t'as râlé. Ouais, une compétition de plongeon qui tombe à plat. Bah, c'est une drôle de compétition qui avait eu lieu ce week-end à Oslo, en Norvège. Des dizaines de concurrents étaient réunis pour s'affronter sur le grand tremplin de la piscine. Ouais. Le but? Réaliser la pire bombe possible. Ouh. Dans l'eau. Les participants changent subtilement de position quand même au dernier moment. Ok, ouais. Pour pas tomber, pour pas faire un vrai plat. N'empêche qu'il y en a qui se sont fait très mal, qui ont pas eu le temps de tourner. Et moi, je râle parce que forcément, ça donne pas le bon exemple et qu'on peut forcément avoir très très mal, voire même en mourir. Vous avez déjà fait un plat ou pas à la piscine, vous? Bah oui, c'est déjà arrivé. Quand on apprend au début à plonger à l'école, ouais. Bah, souvent ça commence par des plats, quoi. Ouais, Kaufman, t'as pris un plat, toi? Je vais te donner un indice, on m'appelle Willy. Willy, pourquoi? Parce que sauver Willy. Ah, okay. Comme le film. Allez, pour la suite, ça se passe avec le combien ça coûte. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, Kaufman. Goodies, jeux vidéo, on est venu avec plein de cadeaux. C'est notre dernière semaine cet été. On est là pour vous régaler. N'oubliez pas, 18h, le glacier qui vous servira le goût. Fun Radio 33 avenue Télémax, c'est l'adresse qu'il faut noter. Et là, en attendant, voici Willy, William et Paris. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Je rap-a-pam, rap-a-pam-pam. Fun radio. They saw me dance floor. In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifting, drifting higher than the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Poursuit le son dance floor avec Drake. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. C'est le moment de jouer au combien ça coûte. Le principe est simple. J'ai un prix en tête et au 63,22 1€ par message. Vous devinez à quoi il correspond pour gagner plein de cadeaux cette semaine, Kaufman. On a fait le plein, il reste 3 émissions, c'est bon. On liquide tous les cadeaux, c'est bien ça, hein? Ah oui, on liquide tout ce qu'on a. On a encore des goodies jeux vidéo, goodies Overwatch, goodies Doom, jeux, on a des jeux. On a pas mal de jeux PS4, des jeux Xbox One. Et on a des petites surprises par-ci par-là. Donc jouez avec nous, hein, au fur et à mesure qu'on fait avancer le schmilblick. Bien sûr. Et bien vous envoyez vos propositions au 6322 pour 1€ le message et on vous dit si oui ou non vous êtes sur la bonne piste. Très bien, le prix du jour, 39€. Laurence Kaufmann, vous posez des questions pour aider les auditeurs. On commence par une question, Laurence. Est-ce que c'est un accessoire de mode? Accessoire de mode, non. C'est pas un accessoire de mode. Non. Est-ce que c'est un objet du quotidien? Objet du quotidien, non. Est-ce qu'on peut l'acheter dans un supermarché? Je ne pense pas. Est-ce que ça sert aussi bien aux petits qu'aux grands? Oui. Est-ce que ça fait du bruit? Non. Est-ce que c'est un objet de divertissement? Oui. Est-ce que on doit l'acheter dans un magasin spécialisé? Oui. Est-ce que c'est musical? Non. Magasin spécialisé de quoi? Tu peux me dire? Non. Okay. Est-ce que c'est sportif? Oui, c'est sportif. Ok. Donc chez Decathlon, on peut l'acheter? Oui. Est-ce que ça se pratique en équipe? En équipe? Ça peut, mais c'est rare. Est-ce que ça a une forme particulière? Tu peux me dire la forme, s'il te plaît? Non, mais il y a une forme particulière. Hein. Est-ce qu'on peut y jouer le matin, l'après-midi comme le soir? Bah oui. D'accord. Tu joues quand tu veux. Hein. D'accord. C'est ta vie, hein, ça ne me regarde pas. Laurence, est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est rond? Bon, non, c'est pas vraiment rond. Est-ce qu'il y a des tournois internationaux? Oui. Autour de ce sport? Oui, oui, oui. Mais tu me dis oui avant même que j'ai posé ma question. Mais il y a des tournois internationaux? Oui, je savais que oui. D'accord. Est-ce que ça se tient dans la main? Ça se tient dans la main, oui. Ah! Oh, ça me fait peur, Kaufmann. Non, non, non. Non, attention à toi. Hein. Est-ce qu'on y joue avec une balle? On y joue avec une balle, oui. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, des jeux vidéo, des goodies collector et des packs fun. Laurence. Est-ce que c'est une crosse de hockey? Une crosse de hockey, non. C'est pas une crosse de hockey. Est-ce que Jean-Michel Sève en utilise pour jouer au ping-pong? Jean-Michel Sève. Ouais. Oh, t'es calé toi en ping-pong, dis donc. Je connaissais pas ce monsieur. Ah, moi, je connais pas, c'est un des plus grands champions belges. Ouais, je connais pas. Je suis pas très calé en tennis de table. Mais oui, effectivement, il a sûrement pris cette chose en main. Ah, bah c'est tennis de table. Bah, c'est pas ça la réponse. Non, je peux pas accepter. Ok, mais c'est en lien avec ça. Ça peut être en lien avec le tennis de table. Mais ça si c'est pas la balle. Bah, ça peut être autre chose. Bah c'est l'autre truc. Ah c'est oui, on me dit une table. Mais non, c'est pas une table. Voilà, 6322. Si vous avez la bonne réponse, allez-y. 6322. Bon, je vais donner un indice plus solide que ça. On peut en mettre au pied lorsqu'il y a de la neige. Oui. Et qu'on a la montagne. Ah t'as trouvé toi, c'est bon. Bah oui. Bah bien sûr, attention. D'accord. Attends, je suis un joueur de ping-pong. Et tu connais pas Jean-Michel Sève? Attends, mec, c'est le numéro 1 mondial belge quoi, ok. Une question, Laurence. Bah est-ce que à Roland-Garros ils en utilisent aussi? Oui, aussi, effectivement. Vous avez trouvé autour de la table, c'est bon? Ouais. Oui. Il y a des trucs à la montagne qu'on mange au fromage. Bah ouais. Ah bon? Une raclette. Raclette. Voilà, on est tout proche du mot. Ah oui, c'est vrai, on est tout très proche du mot. Ça commence par la lettre R, il vient de le dire, Kaufmann. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, des jeux vidéo, des packs fun, des goodies collector. Il nous reste 3 émissions, donc on en profite. Kaufmann, il a fait le stock avec Smart Toys, hein. Oui. Il a tout ramené dans sa voiture, c'est bon, on les a ici. On vous les envoie en plus très très vite. Allez-y au 6322 pour envoyer la bonne réponse. Je prends un gagnant juste après Drake sur Fun Radio. Correspondant, qu'est-ce que c'est? C'est qui la gothique qui boit de la bière? Je te présente Sacha. Fun Radio vous invite à l'avant-première du film Le Correspondant, le mardi 23 août à l'UGC Toison d'Or, avec la présence de Jimmy Labeu après la projection. Règle A, on doit devenir camarade avec son correspondant. Je te préviens, toi tu dors par terre. Pour remporter vos places, envoyez Ciné au 6322 et découvrez tout de suite si vous avez gagné. Chérie, on a un gros problème avec la petite Bosch. T'aurais pas pu faire l'espagnol, toi? Ciné au 6322, 1 euro par message. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc, trois... Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. To me, and I hope it's the same for you.

taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. Nouveauté Fun Radio. Fun. Égophonique. Fun Radio. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire. Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Ailleurs. Je m'envole ailleurs. Ailleurs. Ailleurs. Je fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole. De tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déter. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine, son pompe pas. Ah, laisse tomber, j'ai pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devant me repentir. Et je suis plus que jamais, comment te dire. Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'avale ailleurs. On poursuit son dance floor avec Justin Schmokers. C'est le moment de savoir à quoi correspondait le prix du jour, 39 €. Et pour savoir, j'accueille Joseph qui est avec nous. Salut Joseph. Ouais, salut. Salut, salut Joseph. Ça va bien? C'est vrai, tranquille. Salut tout le monde. Tu fais quoi de beau? Tu te reposes un peu là aujourd'hui? Bah ouais, il y a pas longtemps que je suis rentré, donc là maintenant je viens de poser mon cul dans le fauteuil, je me repose un peu. Eh bien parfait. Mais comment il fait bon, il faisait chaud, même un peu trop lourd, donc maintenant ça fait du bien à l'air près de la maison. Exact. Et comment va Marie? Oh non, Marie, je... Elle va très bien, Marie, elle est montée au ciel le 15 août. Bien joué, Joseph, bien joué. Le prix du jour, 39 €, ça correspond à quoi le prix du jour alors? Bon, tout hasard, est-ce une raquette? Allez, tout hasard, va. Ouais, mon œil va. Excuse-moi, mais t'es bien le seul à pas connaître Jean-Michel C. De quoi? Mais t'es bien le seul à pas connaître Jean-Michel C. Ah, effectivement, t'as raison. Je suis pas calé en tennis de table, je suis désolé, non. Joseph. Hein, moi, je pourrais te parler de Thierry Cabrera, je pourrais te parler de Jean-Michel Sève. Ah oui, carrément. Hein, ah, ouais, moi, ouais, écoute, moi, quand j'étais gamin, il y avait un fanat de ping-pong là à côté de chez moi qui nous prenait la tête avec ça. Jean-Michel Sève, Jean-Michel Sève. Il va pas te le marier, ton Jean-Michel Sève. C'était Kaufmann, en fait. Que je connais. Tu sais quoi, on va aller se taper une frite à deux. On discutera du bon vieux temps du ping-pong. Je te file ton cadeau plus le numéro de Kaufmann en antenne, ça va? C'est cool. Allez, passez une bonne soirée, bisous, on prend tes coordonnées en antenne, ne bouge pas. Bisous, le Fun Beauty Laurence, on va parler de quoi? De la collaboration chaussures de la rentrée qui va absolument tout déchirer. On en parle juste après The Chainsmokers avec Don't Let Me Down sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun. À tous, Dimitri Vegas, l'IMAX ça débarque. Dans quelques minutes, on vous expliquera comment gagner deux places pour aller faire du web karting. Il y aura aussi le fun game avec Kaufman. On évoquera quoi, Kaufman? On évoquera le film Assassin's Creed. J'ai encore récolté des informations exclusives. Très bien, le Fun Beauty de Laurence, c'est maintenant. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et c'est quoi le programme aujourd'hui? Alors, c'est les Stan Smith. Vous en pensez quoi, vous, les garçons, les Stan Smith? Bah, moi j'en ai. Kaufman. Ok. Aussi? Moi aussi, mais bon, j'en pense rien, quoi. J'aime bien les chaussures. Je m'essaye des Nike, moi. Avec des Nike? Non, et des Nike. Ah, et des Nike, ok, très bien, merci. Ah, ça se voit que tu connais pas Jean-Michel Seff. C'est vrai. Alors dis-moi, bah, Laurence. Stan Smith, moi je les ai déjà vus et on va les jeter à la poubelle, ça va? Pourquoi? Bah, parce que c'est démodé, tout le monde les a, c'est plus vieux du. Bah, si. Et c'est pas moi, y a pas que moi qui le dis, c'est aussi Raph Simons. Est-ce que vous savez qui c'est, Raph Simons? Non. C'est pas le gars qui fait Ralph Lauren ou un truc comme ça? Non, mais après ça se rapproche. En fait, c'est un designer belge qui a été employé par la maison Dior et maintenant il est directeur artistique chez Calvin Klein. Donc effectivement, Kaufman n'était pas très loin. Et donc, du coup, bah, la mode, ça le connaît et il sait ce qu'il fait quand il touche à la Stan Smith que tout le monde connaît. Et donc, du coup, maintenant, Ils proposent une collection exclusive avec Adidas. Il y a 17 modèles différents et ils sont juste trop canons. Ok, c'est quoi un peu les modèles? Bah, en fait, il y a 14 paires basses et 3 paires montantes. Ouais. Donc déjà ça, c'est une grande différence. Et les modèles, bah, par exemple, on a des cuirs intégral rouge, des argentés intégral, on a des mélanges de couleurs hyper subtils. Et sinon, on a des blanches tout épurées avec que des touches argentées par-ci par-là. Ah, très joli. Hein, ah ouais, les super mal. Beau. Ça va faire plaisir aux gens qui travaillent la nuit, hein, les rouges flash. Et tout. ça coûte combien environ? Mais on n'a pas encore le prix et on n'a pas encore les dates de sortie. Mais ça sort d'ici fin août. Ah, ça va sûr, juste certain. Pour la rentrée, okay. Donc pour aller à l'école et pour aller au travail et être exceptionnel, ça va être vraiment top. Et ça va se trouver dans les magasins Adidas et, dans, et sur les shops. Ok, magnifique. Kaufman, tu vas acheter toi ou pas Kaufman ça? Ah bah, ça me semble assez flash comme couleur. Ouais. Donc, moi, ce que j'aime bien dans les Stan Smith, c'est justement que c'est assez sobre. Très bien, ok. C'est ton avis, Kaufman, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux avec tes chaussures, très bien. Ça oui, va merci. Je te remercie. Pour la suite, on a deux places à vous faire gagner pour aller faire du wave karting. Kaufman, c'est quoi du wave karting? Bah, c'est un hybride entre le bateau et le jet ski. Bah, on vous offre 4 places aujourd'hui. Ouais. Vous commencez à jouer maintenant, tout de suite, directement. Vous envoyez MER, MER au 63 22. Et avant 20h, on fera que des heureux, on vous régale. Voici Dimitri Vegas et Like Mike, Stay Wild. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay wild? Stay wild. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Du boulot avec le son d'Imani sur Fun Radio. Et on a des places à vous offrir pour aller faire du wave karting. Le wave karting, c'est quoi? C'est un mélange entre le bateau et le jet ski. Vous baladez sur la mer du Nord. On l'a testé. Il y a même la vidéo maintenant qui est disponible sur le Facebook de Fun Radio, sur le YouTube également de Fun Radio. J'ai vu la tête de Kaufman. J'ai vu ma tête aussi. Il y a une différence entre les deux. Il y en a un qui a bien kiffé et l'autre qui avait un peu peur au début. Je ne dirais pas lequel, hein, Kaufman. Oui, en plus, c'est disponible. Alors, ce qu'on vous dit là est disponible sur la page Facebook de Fun Radio. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo pour vous faire une idée un petit peu de ce que c'est le wave karting. Ouais, parce que c'est assez vague comme ça, le mot wave karting, vous n'avez peut-être pas le mot, voilà, et bien on a mis une vidéo pour vous expliquer tout ça. C'est vraiment une superbe, on va dire, attraction entre guillemets, c'est une super balade qu'on vous propose. Et puis vous verrez ce que c'est un wave karting en réel en regardant cette vidéo. C'est comme tu l'as dit, c'est un hybride entre le bateau et le karting. Vous êtes lancé comme vous voulez, à la vitesse que vous voulez, ça va jusqu'à 50 km/h. Vous prenez les vagues, donc forcément il y a de la sensation. On n'est pas dans une ligne droite, il y a des virages. Le moniteur qui vous encadre veille à votre sécurité également, vous laisse pas faire tout et n'importe quoi. Mais bon, pour les têtes brûlées, il y a de quoi vraiment s'amuser. Vous allez nous accompagner pour une journée totalement exceptionnelle. On va vous rigoler, on va vous régaler. Et on va rigoler. Et on va rigoler pendant quelques heures. Ça se passera à Zeebruges en collaboration donc avec Wave Karting. C'est unique en Belgique, donc pas la peine de chercher ailleurs. Fun Radio vous offre les cadeaux les plus fun tout l'été. Et pour cette dernière semaine de notre émission, eh bien, on se disait que c'était un beau rendez-vous fixé. Et pour participer, va falloir envoyer MER, MER au 6322. MER au 6322. MER au 6322. C'est le mot code qu'on vous propose pour gagner deux places dans moins d'une heure. On fait gagner deux places déjà, puis après, d'ici 20h, on a encore deux places à vous faire gagner pour aller faire du wave karting. Vous envoyez MER, MER au 6322. C'est 1€ par message et vous allez avoir le droit de voir les animateurs de Fun Radio. Ils seront là, ils seront avec vous pour cette journée exceptionnelle. Kaufman, tu peux confirmer, hein, ils seront bien là. Ah oui, on sait pas encore qui va y aller, mais ça sera pas mal d'animateurs de fun qui vont vous accompagner. C'est vraiment une journée exceptionnelle. Oui, c'est carrément une journée exceptionnelle. En plus, l'avantage, c'est que vous gagnez deux places, donc vous amenez la personne de votre choix à vous accompagner. Nous, on a passé un très bon moment. On sait d'ailleurs notre caméraman, Quentin, qui était là, qui a fait du bon boulot. Parce que je t'assure que filmer pendant que tu es sur le wave karting, c'est chaud. C'est du sport. Je le voyais tenir sa caméra. Je me suis dit, à mon avis, la caméra, elle va passer à l'eau, mais pas du tout. Donc rejoignez-nous, jouez avec nous, et puis vous allez profiter. C'est une belle manière de passer une journée originale dans un cadre totalement somptueux. Faire du wave karting, vous le ferez peut-être pas deux fois, donc jouez avec nous, vous envoyez MER, MER au 6322 pour 1€ le message et nous on vous souhaite bonne chance. Pour la suite, le Fun Game, Kaufman, on va parler de quoi? On parlera d'Assassin's Creed, le film, on a des infos à vous révéler. Et le Sundance Floor avec Imani sur Fun Radio. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, t'as pas oublié les maillots? Non. Les valises, elles sont dans la voiture? La voiture? Et quelle voiture? Restons zen. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite. Born to refresh. L'auto présente le mois de Wowout. Semaine 3, une copie conforme du scénario de la semaine 2. Avec chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Waouh! Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. Je m'appelle Fox Mulder. Ce soir sur RTL TVI, X-Files, la série qui a marqué les années 90, est de retour. Sommes-nous réellement seuls? Où est-ce qu'on nous a menti? X-Files, la nouvelle saison inédite, à partir de ce soir, 20h20, sur RTL TVI. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor.

On est posé sur Fun Radio avec le son de Sac Noël et Champol. Dans quelques minutes, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Place maintenant au Fun Game avec Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. De Smart Toys, j'avais oublié. Oui, parce que je suis un noble, t'oublies pas la particule. C'est vrai, on parle on de quoi parle là d'Assassin's Creed, on a dégoté quelques infos exclusives. C'est un peu la maison tonte entre le réalisateur du film et les concepteurs du jeu. Aïe. L'un, autrement dit, le réalisateur du film affirme qu'il n'y aura pas de personnage du jeu. Ouais. Et puis là, les concepteurs du jeu viennent de réagir et remettre les pendules à l'heure en révélant que les personnages du jeu seront bel et bien présents avec leur arme respective. Pourquoi c'est important ? Bah c'est normal de toute façon, non ? Ah non, parce qu'il y avait deux scénarios possibles. Soit Assassin's Creed repartait d'un scénario vierge, okay, avec une nouvelle histoire de nouveaux protagonistes, ouais, soit il s'inspirait et reprenait des personnages existants du jeu. C'est plus on sait que cette deuxième formule fonctionne évidemment beaucoup mieux, bah oui, auprès des joueurs qui seront à ce moment-là beaucoup plus tentés d'aller voir le film. L'inverse n'étant pas vrai. Alors maintenant, qui dit vrai et qui dit faux, on n'en sait encore rien, c'est peut-être un jus d'intoxication. Ouais. Toujours est-il que moi je crois Wild Goose, qui a collaboré à l'élaboration du jeu, qui lui a bien dit, il y aura des personnages du jeu, il y aura des armes que vous utilisez dans le jeu, histoire de remettre aussi un peu le film un peu plus proche, de le rendre un peu plus proche des joueurs. Comment ça se passe quand ils achètent un jeu comme ça pour un film? Ils vont voir l'éditeur du jeu, c'est bien ça? Ah oui, c'est-à-dire que l'éditeur du jeu émet un souhait, ouais, un désir, ils vont voir si des gens sont intéressés dans le milieu du cinéma de le réaliser, de produire le projet. Faut savoir que ça n'a rien à voir. Je pense que pour le coup c'est Warner qui produit, okay, et donc Ubisoft n'a pas forcément à voir, c'est-à-dire qu'ils ont racheté le projet, l'histoire, la licence pour se l'approprier. Ubisoft n'a pas forcément... Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent au final. A priori oui. Ah, d'accord, ils n'ont pas intérêt, parce que tout l'intérêt justement d'un tel mouvement, c'est de prendre la licence comme elle est et pas de la transformer en quelque chose qui ne ressemble à rien. Exactement. Dans une heure, ça parlera de quoi? Eh ben moi je ferai plaisir à tout. On est en été, mais ouais, je fais déjà plaisir à tous les free riders. Les quoi, ceux, les qui, ceux qui aiment dévaler les pistes de neige, qui aiment faire du free ride, des acrobaties, faire les foufous. Eh bien, il y a un jeu qui est taillé pour vous, messieurs. Ok, très bien. Dans quelques minutes, le son dance floor, ça se passe avec Sac Noël et Champol. Et là, c'est les meilleurs moments de la Power avec Audrey. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Il y a Vince aussi qui va prendre le contrôle dans un instant de Fun avec la libre antenne, 20h-23h. Ce sera juste après, s'il vous plaît, quand même, l'horoscope. On va vous dire si vous avez besoin de vacances. Il a fait beau aujourd'hui, avec du soleil, enfin, un temps sec. Oh, ça donne envie d'aller s'installer sur un petit transat, un petit cocktail à la main, tranquillou, au bord de plage, comme ça, voilà. Sauf qu'on est en Belgique, il faut se réveiller. Du coup, on va voir si au final, vous avez besoin de vacances, vous aussi, comme tout le monde, les béliers. Bah oui, il serait peut-être temps de partir, ça fait longtemps, mais non, la dernière fois que vous êtes parti, l'avion, il n'avait pas encore été inventé. Les taureaux. Non, non, vous n'avez pas besoin de vacances. Fainéant, vous ne faites rien de votre journée. Vous êtes en vacances toute l'année. Les gémeaux. Alors, vos dernières vacances remontent à si longtemps que vous étiez présent quand on a inventé la roue. Cancer. Si vous ne partez pas très vite en vacances, vous allez péter un câble. C'est pas parce que votre secrétaire est méga canon qu'il ne faut pas quitter votre bureau. Lion. Vous rêvez de partir à la montagne. L'appel des pistes se fait sentir. Enfin bon, c'est surtout celui du vin chaud et de la raclette. Hein, bon, enfin, tu sais, en même temps, si tu pars maintenant à la montagne, la neige, il ne se passe plus grand-chose. Bah quoi que, aussi. Non, il y en a encore. Bah oui, tu montes. Mais toi, au mois de mai, tu peux encore skier. Au Kilimanjaro. Ah, ouais. Ah oui, c'est ça, il faut aller à l'autre bout de la terre. Je sais pas où c'est, mais ça a l'air sympa. Je sais pas, c'est une coupe dans une chanson. Oh là, allez les vierges, c'est parti. La plage, la mer, le sable chaud, c'est pas ça qui vous manque le plus. Non, c'est mater les petites gonzesses en maillot. Ah oui. Balances. C'est le moment de réaliser votre rêve et de partir à New York. Alors par contre, un conseil, si vous voulez pas avoir de problème à l'embarquement, rasez la barbe. Scorpion. Alors c'est pas pour vous que vous devriez prendre des vacances, mais c'est pour votre entourage, ça leur fera du bien. Sagittaire. Ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas pris de vacances que la dernière fois que vous êtes parti, ben Nabila, elle avait moins de 50% de plastique sur le corps. Capricorne. Conseil, si vous prenez des vacances, partez au ski. Comme ça, on sera pas obligé de vous voir en maillot de bain. Enfin, les Verseaux. Ah, si vous partez pas pour vous, faites-le pour votre femme. Elle est vieille maintenant. Il est temps d'aller en acheter une nouvelle en Thaïlande. Oh, pas cool. Mais ça va, toi? Quoi? Non, mais elles sont bien en Thaïlande. Arrête de considérer la femme comme un objet. Je suis pas d'accord avec ça. Dis pardon. Pardon. Voilà, attends, je vais dire en thaïlandais. Pardon. Ah, pardon. Ouais. Allez, c'est parti, les poissons, pour terminer. Vous passez votre vie en vacances, avoir épousé ce vieux milliardaire a été la meilleure décision de votre vie. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Bobble, bobble. Bobble, bobble. Set it. You see that girl with the big tic-tac, she fi gimme the gimme the. Head to the floor, girl, gimme the gimme the. Bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, waste some time, girl, gimme the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body may take up a permanent residence. Trumpets blow. La fin d'après-midi tranquille avec le son de Jonas Blue. Dans quelques minutes, Sarah Salove Kaufman, tu vas lover. D'une femme qui est cocu mais contente. Sympa ça. Laurence, toi tu vas râler. Sur une femme qui a modifié la partie de son corps, mais c'est pas très beau à voir. Ok, très bien. Et Carlo, t'es prêt? On a attaqué, c'est bon? Ouais, ouais. On y va. 18h, c'est les infos, on est prêt, c'est bon. Fun Radio. 18h, les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. Avec tout d'abord un petit message à l'attention des djihadistes qui s'intéresseraient peut-être à nouveau à l'aéroport de Zaventem. Ça va être de plus en plus difficile pour vous de vous faire exploser en plein milieu d'un terminal. Non seulement parce que la surveillance a été renforcée après les attentats du 22 mars avec l'installation de postes de contrôle et le déploiement d'agents armés, mais parce que dans les jours qui viennent, un bouclier de caméras sera déployé autour de l'aéroport et surveillera toutes les voies d'accès, un système capable de reconnaître les plaques d'immatriculation et de déclencher l'alarme en cas de véhicule suspect. Ça va aussi permettre d'alléger un peu le travail des effectifs qui sécurisent les lieux. Annonce faite ce matin par le cabinet du ministre de l'Intérieur, Yann Yambon. Et bien vous le savez, il n'y a pas qu'à Zaventem qu'on a déployé des agents armés. Depuis le début de l'année passée, de nombreux policiers et militaires sont dans les rues des grandes villes, histoire d'éviter que des déséquilibrés mal dans leur peau fassent des conneries. Seulement après un an et demi de ce régime, les soldats commencent à en avoir sérieusement ras-le-képi. Les policiers peuvent encore rentrer chez eux tous les jours après leur service, mais pas eux. Les militaires qui sont peu nombreux à avoir démissionné. Par contre, il y en a un certain nombre qui ont divorcé. Bref, les syndicats font savoir que ça va pas pouvoir continuer encore bien longtemps comme ça. Chez nos voisins français aussi, hein, militaires et policiers sont massivement déployés pour éviter au maximum les attentats. Les policiers qui ne s'intéressent pas uniquement aux poseurs de bombes d'ailleurs, mais aussi aux chauffards qui sévissent sur les routes. Et c'est ainsi que 95 000 Belges environ ont été flashés sur les routes de l'Hexagone le mois dernier. Une hausse de 27% en un an, non pas parce que nos compatriotes roulent plus vite qu'avant, mais parce qu'il n'y a jamais eu autant de radars chez nos voisins. L'Institut belge pour la sécurité routière conseille aux chauffeurs de payer leur amende le plus vite possible, histoire d'éviter qu'elle soit trop salée. À peine arrivé, déjà parti, ou presque, Sébastien De Maio, ce défenseur franco-italien qui venait de débarquer à Anderlecht en provenance de Gênes, ne s'est pas gêné pour dire tout le mal qu'il pensait de l'entraîneur des Mauves, René Weiler, et veut déjà se barrer. On parle d'un prêt à la Fiorentina. Il est aussi question de la vente de Silla, l'attaquant guinéen en provenance de Zult il y a un an. Faut dire qu'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière non plus. N'empêche, ce début de saison aurait pu mieux se passer pour le club bruxellois. Enfin, les Iraniens sont-ils victimes d'un complot aux Jeux Olympiques de Rio? Ben, c'est en tout cas ce qu'ils pensent, après l'élimination du champion olympique en titre dans la catégorie reine des plus de 105 kilos, et là je parle de l'haltérophilie, Behdad Salimi Kordiasabi, c'est le nom de notre Hercule. Ben oui, tout le monde ne peut pas s'appeler Van der Echt non plus. Behdad machin, non, venait pourtant d'établir un nouveau record du monde, mais les juges ont estimé que son bras gauche n'était pas assez tendu. Une décision très contestée donc dans le clan iranien. Du coup, c'est un Géorgien qui s'est imposé. Fun. Fun Radio. Dans quelques minutes, le Sarah Salov, un point sur la météo. Carlo, il fait beau aujourd'hui, il faut en profiter. Pendant encore quelques heures, ouais, hein, jusqu'au coucher du soleil. Demain, ce sera déjà moins ça, hein, 21-24 degrés de ce côté-là, ça va encore. Pour le reste, des nuages et quelques petites ondées sur le sud-est du pays. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse compagnie de David et du son de Jonas Blue. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son dance floor. Posé et au calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe débarque sur Fun Radio. Et on va râler, on va lover, on commence par Kaufman, qui love avec son grand cœur celui-ci. Ah oui, avec mon grand front surtout. Je veux parler de cette femme qui est cocu mais contente. Bah oui, c'est l'histoire de Eva Ostrovka, une Française, et qui, quelques semaines avant son mariage, découvre quoi ? Bah découvre que son fiancé la trompait. Non, ça arrive. Hein. Après avoir rompu avec lui, la jeune Française de 27 ans a tout de même décidé de ne pas annuler totalement ce qui devait être le plus beau jour de sa vie, à savoir son mariage. Ouais. Puisqu'après s'être remise de cette douloureuse rupture, la jeune femme a décidé d'aller se marier dans le sud de la France comme prévu. Eva Ostrovska a donc pris l'avion jusqu'à Lourdes, en espérant peut-être un miracle, oui. avec dans ses bagages sa robe blanche, sa bague, son bouquet. Elle déclare: je suis partie seule et je n'ai souhaité prévenir personne. J'ai ressenti le besoin de vivre cette expérience seule de A à Z, explique-t-elle. Seul un photographe de mariage a été convié à cet événement insolite. Elle s'est donc mariée toute seule. Ils étaient à deux, le photographe et elle en fait. Voilà, mais elle s'est mariée toute seule. Ok, ouais, c'est quand même assez fou comme truc. Et moi, ça m'a fait lever parce que je me suis dit, elle l'a pris du bon côté finalement. Oui, c'est heureusement pour elle. Laurence, toi t'as râlé. Ouais, sur Alia Byrne, en fait, c'est une américaine. Elle a 29 ans et donc, du coup, pour son 29e anniversaire, elle a décidé de s'offrir un cadeau. À lequel ? Et elle a décidé en fait de s'injecter du collagène dans les lèvres pour avoir des lèvres pulpeuses. Ok, ouais. Mais des lèvres pulpeuses, c'est quoi ? C'est Angelina Jolie. C'est Beyoncé, mais apparemment elle n'a pas la même conception des choses que nous. Et donc du coup bah, ses lèvres maintenant ça ressemble juste à je sais pas, une sorte de piqûre d'abeille dégueulasse. Et elles sont juste prêtes à exploser. Et du coup maintenant elle continue, en fait elle est complètement accro à ça. Elle a déjà dépensé 1800 euros en injection. Et elle n'arrive plus à s'arrêter, elle dit qu'elle trouve ça très bien, qu'elle se trouve très belle. Bah tant mieux pour elle, mais bon après elle n'est pas obligée de se prendre en photo et de faire des selfies. Donc alors, ses lèvres grossissent ouais. Encore. Ah oui, c'est moche quand même. C'est Kaufman, dégueulasse. Kaufman a essayé de faire ça avec son front, c'est pour ça. Il a un grand front maintenant. Ah mais tu fais bien de le dire, j'ai mis du collagène sur mon front en pensant recouvrir une partie. Je pensais que ça agirait comme du ciment, mais en fait, ça n'a rien fait. Le glacier est arrivé, Kaufman, c'est bon, t'as été le voir ? Je viens de vérifier, mais par contre, j'ai pas eu le temps de me servir. Je vais descendre maintenant, vous nous rejoignez au 33 avenue Télémac. C'est à Forêt que ça va se passer. Voici Florida et Good Feeling. C'est que du fun. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket. Can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a wind in my chest to that sun. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a body boy, plus way back. I got a feeling it's a wrap, ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Sur Fun Radio. Salut, c'est Lost Frequencies. Beautiful Life. Tous mes nouveaux titres, vous les découvrez en premier sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Whatever you want, don't go. I follow. Mountain high and river low. I follow. Dance Floor continue avec Enrique Iglesias. Et dans moins d'une demi-heure, on vous offre des places pour aller faire du wave karting. Et j'ai envie de poser la question à Kaufman, c'est quoi du wave karting? Du wave karting, c'est du bateau, du jet ski, tu réunis les deux et tu obtiens eh bien, du wave karting. C'est un sport unique que vous pouvez pratiquer uniquement à Zeebruges, ouais. Ouvert depuis il y a pas très très longtemps. Vous avez envie de voir des images un peu plus précises, rendez-vous sur le Facebook de Fun Radio. Et le truc assez drôle, c'est que ça concilie la vitesse, ouais. Le fun. Donc forcément, c'est un cadeau Fun Radio, mon ami. Exactement, vous allez adorer. C'est un magnifique cadeau qu'on vous propose. Le soleil, en plus, il est là. Donc faut en profiter pour gagner deux places pour aller faire du wave karting. C'est simple, vous envoyez MER, M-E-R, au 6322. MER, M-E-R, au 6322. C'est un euro par message. Il y aura forcément un gagnant dans quelques minutes, Kaufman. C'est bien ça, hein? Exactement, vous envoyez MER, M-E-R, au 6322 pour un euro le message. Et on vous envoie avec la personne de votre choix. Vous éclatez avec les animateurs de Fun Radio, les auditeurs de Fun Radio. Vous envoyez Mer au 6322 et croyez-moi, à vous, la journée exceptionnelle. Vous allez vous régaler et vous penserez que cet été, c'est que du fun, vous a vraiment rendu heureux. C'est le moment de le faire. Allez-y, envoyez Mer, MER au 6322, 1€ par message et un gagnant aux alentours de 18h45. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le topito du jour, le top 5 des noms de villes les plus drôles. Il y aura également le Fun Game Kaufman. Oui, on parlera d'un jeu japonais, au Yo-Kai Watch 2. Oh, bien joué la prononciation. Vas-y, répète-le pour voir. Yo-Kai Watch 2. Parfait. Et le son Dance Floor avec Enrique Iglesias. Ça fait 2 mois qu'on ne les a plus vus. Ils seront de retour le 22 août. Enfin, s'ils se souviennent de l'adresse de la radio. Allez, tourne à gauche, Fab. Fab, à gauche. À gauche, Fab. Ah, ou en fait, fallait peut-être aller à droite. La Happy Hour sur Fun Radio. Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord ? Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Bonjour ! Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc 3... Il y a un problème ? Ouais, comment ça s'écrit ? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai eu des vacances de rêve. Et c'est bien, non ? Oui, enfin, à part quelques petits débordements. De la piscine ? Non, de mon jeans. Oh, le buffet à volonté, c'était... Ah oui, je vois. Achetez maintenant un jeans d'âme chez CA et recevez le deuxième à moitié prix. CA. Fun Radio. Fun Radio.

La suite du son Dance Floor, ça se passe avec Cheat Codes. Dans l'équipe, tout le monde a été prendre sa glace. Kaufman l'a prise. Laurence, moi aussi. Oui. Donc il ne manque plus que vous pour aller prendre votre glace. 33 avenue Télémac à Forêt Glacier. Zizi vous régale vraiment. Kaufman, tu peux lire. T'as été voir le glacier, toi, en bas. Hein. Moi, il y a eu un seul regret, c'est que c'est le dernier jour où on va pouvoir se régaler avec le goût Fun Radio, un goût unique que vous pouvez venir déguster seul ou en famille ou avec des amis, histoire de sortir du boulot. Là, t'es tranquille, détendu. Il fait beau. T'as envie d'une boule de glace, voire deux, voire trois. Et, bon. c'est gratuit. Hein. Et c'est gratuit. 33 avenue Télémac à Forêt, plus qu'une demi-heure, une grosse demi-heure pour en profiter. Rendez-vous là-bas, et puis en même temps, on vous fera un petit coucou, on vous fera visiter les studios. Hein? Exactement, venez. On fait ça bien, nous. Hein. C'est ça. Venez 33 avenue Télémac à Forêt, vous allez voir, vous n'allez pas le rater. Il est devant Fun Radio, le glacier Zizi. Donc vous ne ratez pas, vous demandez une glace de la part de Fun Radio. Il s'appelle Giovanni. Non, il s'appelle pas Giovanni. Non, sûrement pas. Petite clique glacier Zizi, et hop, il vous donne une glace gratos. Ça se passe jusqu'à 19h. Là, on va faire le topito, le top 5 des noms de villes les plus drôles. En 5ème position, c'est une ville où il ne fait pas bon d'être postier. À votre avis, comment s'appelle la ville ? Où il est papier, où il fait pas bon d'être postier, de faire le métier de la poste. Ah, j'en sais rien. Tu sais pas ? Non. Laurence, une idée ? Bah, un truc genre timbre ? Non. Arnaque la Poste. Non. Si, la ville s'appelle comme ça. La ville s'appelle Arnaque la Poste. Mais à en France. D'accord. Arnaque la Poste, ça s'appelle. C'est où ? Ouais, c'est bizarre, hein. Quatrième position, une ville qui se trouve dans la campagne profonde. En même temps, la ville se nomme Anus, hein. Oh, oui, oh, merde. Forcément, entre du cul du monde. Hein. Troisième position, on prend la direction d'une ville en France qui est faite pour ceux qui boivent de la bière. Vous avez une idée du nom de la ville ? En France ? Ouais. Je sais pas, ça porte le nom d'une bière, peut-être. Non. Non, je sais pas. C'est l'effet que fait la bière sur les hommes. Faire pipi. Non. Mais faire grossir le ventre parce que la ville s'appelle Bidon. Non. Si, ça s'appelle Bidon. Un petit bidon. Et donc, deuxième position, c'est une ville pour les feignants. À votre avis, c'est quoi ? Molasson. Molasson pour toi. Et toi, Laurence, une idée ? Relax quelque chose. Non, c'est Glandage. Non. La réponse, Glandage. Ouais, je vais à Glandage ce week-end, je me la pose tranquille. C'est quoi. Pas possible. C'est toutes des villes qui existent en France. Ouais, exactement, ça existe c'est vraiment. C'est pas sorti de ton imagination. Non, ça existe c'est vraiment. C'est inquiétant quand même. Vous pouvez chercher sur internet, ça existe vraiment. Hein. Première position, pour finir, un village où être idiot n'est pas un défaut. À votre avis ? Comment s'appelle la ville ? L'idiot du village. Pour toi, c'est l'idiot du village. Ouais. Ça s'appelle comme ça la ville, ok ? Simplet. Simplet pour toi, non. Très con. Non. La ville s'appelle Très con comme ça, voilà. Comme c'est où ? On sait où on va passer notre week-end. Ouais. On va aller chez Très con. T'as fait quoi ? Bah, j'ai été chez Très con. C'est sympa, on s'est bien marré. Par contre, il est pas bien intelligent, monsieur. Dans quelques minutes, on vous offre des places pour aller faire du wave karting. Ah, on va tout vous expliquer hein, comment ça se passe. Une journée de rêve avec les animateurs et les auditeurs de Fun Radio. On vous offre ça à Zeebrugge, c'est unique en Belgique. Vous allez vous régaler. Une journée où vous allez apprendre à jouer avec le wave karting parce que c'est un jeu, un sport extrême parfois. Et voici Cheat Codes sur Fun Radio. Sex. That was unbelievable. I wanna do it again. nouveauté. Fun Radio. This is Niels Van Zandt and Emily Brown. Unified. Unified. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son dance floor. La suite du son dance floor, ça se passe avec Martin Solveig. Il vous reste moins de 5 minutes pour gagner 2 places pour aller faire du wave karting, Kaufman. Ah oui, on vous offre pas seulement une séance de wave karting, on vous emmène à Zeebruges. Ouais. Et là, on va passer une journée exceptionnelle avec les animateurs Fun Radio, les auditeurs Fun Radio. On va vous apprendre à faire du wave karting, discipline de l'exprem. Ils sont en train en mode préparation, la POR, ils reviennent lundi et ils se préparent. ils sont chauds patates. Et je sais pas comment ils préparent, mais ils préparent bien, tu vois. Avec la glace Fun Radio, ils préparent. Exactement. Donc, nous, on vous envoie, en tout cas, à Zeebruges pour une journée exceptionnelle avec la team Fun Radio, d'autres auditeurs. C'est un mélange de bateau et de jet ski. On vous apprend pendant 25 minutes à comment se servir de cet engin, de cette machine à dompter, parce que franchement c'est assez puissant, hein, faut pas vous tromper. Ça va plus ou moins à 50 km/h sur l'eau, si vous en avez envie, hein. C'est pas que c'est bloqué sur 50 km/h. On peut aller à 10 km/h, 50, oui, c'est vraiment votre choix. Alors là, vous les jouez soit à la Barbet, 10 km/h, soit à la Kaufman, 50 km/h. Mais il n'y a pas d'entre deux, ça n'existe pas. Exactement. Et donc, pour remporter cette journée exceptionnelle en compagnie des animateurs et des auditeurs Fun Radio, à Zeebruges, dans un cadre magnifique, qui est vraiment en dehors de la ville, c'est vraiment bien, c'est un havre de paix. Nous, on est arrivé très tôt le matin. Ouais. Franchement, on entendait les oiseaux, on voyait la mer. Ah, c'est magnifique, vraiment. C'est une journée exceptionnelle qu'on vous propose de vivre avec nous, avec les animateurs de Fun Radio. Pour gagner ces places, vous envoyez mer, M-E-R, au 6322, c'est 1€ par message. Mer, M-E-R, au 6322. Il y a un gagnant juste après, Martin Solveig, c'est vraiment le moment de jouer. Vous envoyez mer, M-E-R, au 6322, je prends un gagnant juste après Martin Solveig sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec ce Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun.

Je vous propose Jennifer Lopez pour la suite du son dance floor. C'est le moment de découvrir qui a gagné ces deux places. Mais qui pour a aller gagné faire... ces deux places pour aller faire quoi? Du wave karting. Du wave karting. J'accueille Jonathan qui est avec nous. Salut Jonathan. Salut toute l'équipe, salut tout le monde. Salut Jonathan. Salut Jonathan. Ça va bien jeune? Ça va très bien à vous? Ouais, on est en pleine forme. Tu fais quoi de beau aujourd'hui Jonathan? T'es sur la route? Ouais, je suis sur la route, je me suis mis sur le côté à l'instant. Donc, parfait. Pas trop d'embouteillage en ce moment? Non, ça va. Ok, t'es du quel côté bien, là? Tu recherches quelqu'un pour faire un point route? Oui, un petit peu, effectivement. T'es quel côté? Bruxelles, c'est ça? Ouais, j'habite Bruxelles, mais là je suis en direction de Thouin. De toi, de toi. Okay. Oh, ok. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. T'as envoyé quoi sur 322, Jonathan? J'ai envoyé MER. MER, c'est-à-dire mère, on vérifie. Mais ouais. Bravo, bravo. Bravo. Tu repars avec deux places pour aller faire du wave karting. Oui, tu sais déjà qui tu vas amener pour nous rencontrer, nous défier sur ces engins mécaniques en pleine mer. Ouais, je pense à ma femme, mais je pense que je vais prendre mon meilleur ami. Ah, c'est sympa. Tu veux que je te dise, je pense que tu as raison. La femme va être contente. Non, il la protège. Ouais, il la protège. C'est gentil, Jonathan. Il faut un week-end. Moi, j'ai une très bonne idée. On laissera ta femme avec David. Et toi, tu viendras nous rejoindre dans les débrouilles. C'est ça. Moi, j'en fais plus, c'est bon, c'est fini. En tout cas, bravo, Jonathan. Prends tes coordonnées en antenne, ok? Ok, super, un grand merci. Bravo. De rien, bisous, bisous, bravo. Bisous, bisous, tout ça. Kaufman, t'es prêt pour le fun game? On attaque? Bien sûr. Allez, le fun game avec Kaufman, il y a toujours plein d'infos celui-ci, c'est parti. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Alors, je sais qu'on est en été, mais je vais vous parler d'un jeu qui parle de glisse et donc de sport d'hiver, puisque Freeriders, le jeu de sport d'Ubisoft, enfin le jeu s'appelle Steam et est destiné plutôt à tous les Freeriders, c'est le jeu de sport d'Ubisoft. Eh bien, il vient de trouver, dans le cadre de la Gamescom qui a démarré aujourd'hui, une date de sortie un peu plus précise, puisque à compter du 2 décembre prochain, vous pourrez, si le cœur vous en dit, partir à l'assaut des Alpes avec le jeu Steep, sort de simulation de freeride à destination du PC, de la PlayStation 4 et de la Xbox One. J'ai vu quelques images du jeu. Ouais. Et croyez-moi, si vous aimez ça, si vous aimez les sports de glisse, là on parle de wave karting, hein, des places à gagner. Bien sûr. Mais si vous aimez tout ce qui est snowboard, ski acrobatique, vous allez être servi. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un jeu consacré à cette discipline, à ces sports. C'était quoi les jeux sur ça? Ben, il y avait maintenant que tu me le dis, je le sais plus. Et pourtant j'avais bien révisé, mais il y en avait eu un ou deux, mais okay. Il y en a pas beaucoup en fait. Et ça fonctionne bien ou pas, ce type de jeu? Généralement, tu vois, c'est un jeu qui sort en décembre, donc c'est une bonne période. C'est pas des très très gros vendeurs, mais les gens aiment tout ce qui est technique et celui-là va ravir, va régaler les joueurs. Et il sort sur quoi déjà? Il sort sur PC, PS4 et Xbox One et il faudra attendre le 2 décembre prochain. Vous pouvez voir tous les trailers de la Gamescom sur le site des éditeurs ou sur smarttoys.be. Vous allez sur ubisoft.fr, smarttoys.be, vous allez sur notre Facebook, on a mis tous les trailers en ligne. Il y a notamment des trailers de Watch Dogs 2 assez impressionnants de la première journée de la Gamescom qui viennent de paraître. Ok, sympa. Et pas seulement, et on vous en parlera jusqu'à la fin de C'est que du fun, soit de vendredi. Dans une heure, on évoque FIFA. Non, dans une heure. Ah non. Tu vois, je t'avais. Parce qu'il faut savoir, on va tout expliquer à nos éditeurs. Il lit mes feuilles. Bien sûr. Mes fiches avant de prendre l'antenne. Exactement. Et donc. Il y avait marqué FIFA. Oui, mais je l'avais laissé exprès. Ah d'accord, ok, on va faire quoi alors? On parlera de Yo-Kai Watch. Ça prouve que tu m'as pas entendu tout à l'heure. Je ne t'écoute plus, Kaufman, c'est la fin de notre couple. Pour la suite de son espoir, ça se passe avec Jennifer Lopez et là, c'est les meilleurs moments de la P-Hour avec Audrey. Écoutez. Ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Une demande un peu bizarre là par SMS au 3044. Enfin bizarre, toute mignonne quoi. C'est Mélissa qui a envoyé un petit message au 3044. Bonjour Mélissa. Bonjour. Mignon tout plein. Mélissa, t'as quel âge? 10 ans, tout ça? Waouh, impressionnant. Mélissa, t'as envoyé un petit message parce que tu voudrais chanter une chanson à l'antenne de Fun Radio. Oui. Mais t'es sûre, c'est quoi comme chanson que tu vas chanter? J'ai l'impression de faire l'école des fans. C'est quoi comme chanson? Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy. Attends, 10 ans, tu chantes Laurent Voulzy? Tu veux pas chanter plutôt Maître Gims? Bah, c'est 10 ans, on a vu Laurent Voulzy. Hein. Bon, eh ben, Mélissa, non, mais vous savez, moi, les auditeurs, quand ils ont des demandes dans l'émission, vous envoyez un message, vous faites ce que vous voulez. Hein, faites une déclaration d'amour, vous voulez vous énerver sur quelqu'un, vous voulez régler vos comptes, vous le faites, hein, vous envoyez un message et hop, vous arrivez à l'antenne de Fun Radio. Mélissa, tu sais quoi? On va t'écouter chanter, d'accord? D'accord. Allez, vas-y, c'est à toi. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les deux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laisse nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin, Jasmin, Lila, c'était notre... Je fais les cœurs, vas-y. C'était notre vision, nos Zelda, pour changer tout ça. Changer les choses. Changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Bravo! Ah non! Ah bah ouais. Mélissa, hey, mais tu chantes super bien! Merci. Bah de rien. Hey, dès que tu veux nous refaire une chanson, tu sais quoi, tu nous envoies un message. J'en ai une autre, alors je vais la faire. Non, et bah tu sais quoi, demain tu viens nous refaire une autre chanson. Mais un truc un peu plus jeune. Tu fais une chanson, mais avec Maître truc, Gibbs. Ouais, genre un truc de son dance floor. D'accord, Mélissa? D'accord, c'est ça. Eh bah parfait. Et bah tu sais quoi, tu répètes ça pour demain et demain tu passes à l'antenne. D'accord? D'accord. On te fait des gros bisous, Mélissa. T'es un amour, elle est toute mignonne, ouais. Toi. Gros bisous, Mélissa. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. To work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. C'est le son qui débarque sur Fun Radio. pour la suite de l'émission, ça se passe avec le jeu du Blackjack. Il y aura également les traditions avec Laurence. Exactement. En fait, c'est la journée internationale du chat noir. Et donc, du coup, on va faire un tour du monde des superstitions les plus insolites. T'es superstitieux ou pas, Kaufman? Très. Ah ouais? Tu passes jamais sous une échelle. Ah, non, je savais pas ça. Non. Ah, je vais te ramener un chat noir dans le studio. Pour demain. Mais tu sais que dans le milieu de la radio, on t'appelle le chat noir. Ah, ok, c'est gentil. Merci. C'est pour ça que quand les gens te croisent, ils t'évitent. C'est gentil, Kaufman. Merci. Il y aura aussi le fun game dans quelques minutes. Oui, on parlera d'un phénomène japonais, Yokai Watch 2. Ok, des places pour le wave karting toujours. Ah oui, on a encore deux places à vous filer pour aller vous éclater avec nous à Zeebruges. Passer une journée exceptionnelle, apprendre à faire du wave karting, discipline sportive, discipline extrême, discipline qui va vous procurer du fun. Ça se passera avec nous dans le courant du mois de septembre. Et vous viendrez avec les animateurs et les auditeurs de Fun Radio participer à cette journée exceptionnelle à laquelle vous pouvez convier la personne de votre choix. Vous pouvez jouer en envoyant MER, M-E-R, 63-22. C'est 1€ par message, vous envoyez MER au 63-22 pour 1€. Le message, on vous souhaite d'ores et déjà bonne chance. Oui, c'était une journée exceptionnelle qu'on vous propose. Envoyez MER, M-E-R, au 63-22. Kaufman sera peut-être de la partie d'ailleurs. Écoute, si j'ai pas piscine, je viens. Okay. On pourrait te défier parce qu'il a fait le malin pendant toute la durée du trajet. Écoute, hein. Je suis en plein régime pour aller plus vite. C'est ça, on peut voir la vidéo d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui, vous allez sur le Facebook de Fun Radio et vous verrez un petit peu l'équipe du Summer Fun affronter l'équipe de CK du Fun. Et les gagnants ont été tout désignés. C'est nous qui avons remporté la manche. Très bien, rendez-vous sur le Facebook de Fun Radio pour voir la vidéo et voir à quoi ressemble le wave karting. Là, il est 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. Mois d'août pénible pour un certain nombre d'Américains confrontés aux catastrophes naturelles. Je vous parlais hier des inondations en Louisiane et des feux de forêt en Californie. Ben, ça ne s'arrange pas des masses. Hein. Depuis le week-end dernier, le sud des États-Unis et surtout la Louisiane, donc, sont frappés par des crues sans précédent. 11 personnes sont décédées. Plus de 20 000 ont dû être secourues. 40 000 maisons sont affectées. Et le président Obama a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Ça va mieux dans certains coins. Par contre, la situation empire dans des endroits jusqu'alors épargnés. En Louisiane, c'est donc le mot cru qui s'impose. En Californie, là, c'est plutôt cuit, avec un incendie qui se propage à toute vitesse, forçant plus de 82 000 personnes à fuir et menaçant près de 35 000 bâtiments. Le gouverneur de Californie a décrété l'état d'urgence, ce qui permet de mobiliser toutes les agences gouvernementales pour lutter contre les flammes. Notez que cet incendie concerne l'est de Los Angeles, mais il y en a un autre qui sévit au nord de San Francisco depuis plusieurs jours. C'est la saison des incendies de forêt et la sécheresse record qui sévit en Californie depuis 5 ans maintenant n'arrange évidemment rien. La Turquie va libérer 38 000 prisonniers, non pas des gens concernés par la tentative de putsch du 15 juillet dernier et par la purge qui a suivi, mais justement à cause de ces arrestations hyper méga massives. Les prisons sont, comme qui dirait, un petit peu surengorgées, va donc falloir faire de la place, d'où ces libérations qui n'ont rien à voir avec les amnisties. On parle de libérations anticipées sous contrôle judiciaire et qui ne concerneront évidemment pas les vrais méchants comme les assassins, les terroristes ou les trafiquants de drogue. Les athlètes olympiques sont tellement forts qu'ils parviennent même à gagner des médailles dans de vieux JO. Ainsi, notre relais féminin du 4x100 mètres en athlétisme, qui avait remporté la médaille d'argent à Pékin il y a 8 ans, devrait finalement se retrouver avec de l'or autour du cou. Explication, c'est le relais russe qui avait gagné, mais qui dit russe dit dopage. De fait, on a réanalysé de vieux échantillons et une des athlètes a été contrôlée positive. Donc, la médaille d'or devrait revenir au relais belge. Ce sera à la Fédération internationale d'athlétisme de prendre officiellement la décision. Enfin, il paraît que 30% de la population belge souffre de dentophobie. Et même si vous ne connaissiez pas ce mot, je suppose que vous aurez compris de quoi il est question. Hein. Dentophobie, peur, c'est donc bien la peur d'aller chez le dentiste. 30%, c'est beaucoup et j'en ai moi-même souffert pendant mon enfance. Il n'aurait pas été le cas si le boucher chez qui j'allais avait eu la bonne idée de me filer un anesthésiant avant de m'introduire sa fraise dans ma bouche. Notez qu'en matière de phobie, il y en a quand même des très bizarres, hein, comme la cénosilicaphobie. À mon avis, vous pouvez deviner ce que c'est, à moins d'avoir fait du grec et de vous en souvenir. En fait, c'est la phobie du verre vide. Là, j'en souffre pas, mais avec la chaleur de ce mercredi, je vais m'empresser d'en vider un ou deux, justement. Avant jeu du Blackjack, on fait un point sur la météo. Quel temps pour demain, Carlo ? Les températures demain seront comprises entre 21 et 24 degrés avec le retour des nuages. Retour également de quelques petites ondées essentiellement sur le sud-est du pays. Voilà à tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi et vous laisse avec David et le son d'Alex Germis. Salut.

Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Welcome to the dance floor. Show me that you want more. Let the music take you there. We breathe those freaking noises. Show the world our voices. Live the moment here right now. Oh, can you feel? Justin Timberlake pour la suite du son Dance Floor. Il vous reste moins de 45 minutes pour aller gagner deux places pour aller faire du wave karting, Kaufman. Oui, c'est pas juste faire du wave karting, non, du pas le cadeau qu'on vous offre, c'est passer une journée exceptionnelle, oui, à Zeebrugge en compagnie des animateurs et d'autres auditeurs de Fun Radio. Et en plus, de Cherry on the Pie, oui, une de Cake. Hein, la cerise sur le gâteau, voilà. Comme chaque semaine. Eh bien, vous allez apprendre à faire du wave karting avec des moniteurs certifiés. Vous allez découvrir ces engins qui sont mi-bateau, mi-jet-ski. Vous allez prendre du plaisir à naviguer, à surfer les vagues si vous en avez envie. Ouais. À faire aussi du 50 km/h si vous avez envie. De plus de sensations, c'est un peu à géométrie variable, hein. C'est vous avez envie d'aller vite, vous allez vite, vous avez envie de jouer pépère, bien sûr, de faire un tour sur la mer on tranquille, peut, détendu, vous pouvez. Toujours est-il que c'est une journée exceptionnelle qu'on vous fait remporter encore en ce mercredi. Et devinez quoi, si vous la gagnez pas aujourd'hui, eh bien chez Summer Fun demain matin entre, ouais, 6h et 9h, vous avez peut-être la chance de la gagner. Donc votre participation vaut pour deux fois. Pour ce faire, il faut envoyer mer, M-E-R 63-22, M-E-R 63-22 pour 1€ le message. Et moi je vous dis, vous allez passer une journée avec nous à Zeebrugge. Ouais. Vous allez bien bronzer. C'est sûr. Vous allez revenir. Eh bien vous direz, moi j'ai encore eu droit à un petit bout de vacances. Ouais, j'ai touché un petit peu aux vacances. C'est donc pas mal quand même. Vous envoyez MER, MER au 6322. Il y a forcément un gagnant d'ici 20h. MER, MER au 6322. Dans quelques minutes, on parle de tradition, Laurence. Alors oui, comme c'est la journée internationale du chat noir, on va parler des superstitions autour du monde. Et le Sundance Floor avec Justin Timberlake sur Fun Radio.

Le son dance floor continue avec Dua Lipa. Dans quelques minutes, on vous offre vos places pour le Wave Karting. Il y aura également le Fun Game avec Hoffman. Là, on s'intéresse aux traditions avec Laurence parce que c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui. Exact, c'est la journée internationale du chat noir. Ouais. Donc du coup, on va faire un tour du monde des traditions. Ok, très bien. Bah, on part directement en Afrique, on va au Rwanda. Et en fait, là-bas, manger de la viande de chèvre ferait pousser quelque chose chez les femmes, mais quoi ? Ferait pousser quelque chose ? Ouais. La barbe. La barbe chez les femmes. Exactement. Non. Ouais, ah c'est... bon. Ouais, c'est une croyance. Ah oui, carrément, c'est une croyance. Ouais, ça c'est va. Une croyance là-bas. Bon, j'ai pas vraiment trouvé d'explication, mais c'est ce qu'ils pensent. Donc, vaut mieux pas manger de chèvre là-bas quand on est une femme. Très bien. Justement, je vis avec une, moi. Donc, maintenant, c'est pas une barbe qu'elle a. Je l'appelle barbe rousse, moi. Barbe rousse. Les autres pays, Laurence. Bah, on reste en Afrique, on va au Nigeria. Et ouais. Là-bas, frapper un homme avec un balai peut le rendre quelque chose. On peut le rendre, je sais pas. Stérile. Ah, ouais, stérile. Ah non, mais c'est un truc comme ça, ouais. Impuissant, un truc ouais, du genre. Impuissant, exactement. Ouais. Impuissant. Et faut faire quoi donc? Frapper? Mais faut le frapper avec un balai. Frapper avec un balai, ok. Toi, ça te voit que tu vis avec une Afrique, toi. Ça, oui. Mais du coup, en fait, l'homme, si ça lui est arrivé et qu'il veut se venger, il faut qu'à son tour, il frappe la personne avec 7 coups de balai et normalement, le sort, il est parti. En vrai. Ah, d'accord. Ah, c'est une bataille comme Harry Potter, quoi, avec ouais. Les balais. Autre pays? Ben, on finit au Japon et là-bas, en fait, les parents, quand il y a de l'orage, ils disent aux petits-enfants de cacher quelque chose, mais à votre avis, quoi? Quand il y a de l'orage, il faut cacher quelque chose, je sais pas. C'est quoi, c'est un jouet? Non, c'est une partie de leur anatomie. Non, non, non. Leur kiki. Leur kiki? Non, pas leur kiki. Leur main? Non. Je sais pas. Leur nez? À leur nez, ouais. Non. Leur bouche? Non. Leurs yeux? Leurs yeux? Les cheveux? Non. Et quoi d'autre? Le front? Un truc qui sert à rien. Un truc qui sert à rien? Ouais. Sur notre corps? Ouais. Les oreilles? Si, ça sert un peu. Je sais pas, l'orteil? Non. Non? Bah, tu sais pas. Bah, le nombril. Ah, le nombril, ah oui. Ouais. Donc, ils disent aux enfants de cacher le nombril. En fait, c'est lié au dieu du tonnerre et des éclairs qui, en fait, il mangerait, à ce qui paraît, le nombril des tout petits. Il mangerait le nombril des tout petits. Quand j'étais petit, j'ai eu ça. Donc, je ne rigole pas trop. Ah, excuse-moi, Kaufman. Je n'ai plus de nombril, d'ailleurs. Ça, c'est parce que c'est à cause de tes bourrelets, tu le vois plus, c'est pour ça. Salaud. Pourtant, je suis un gars très nombriliste, tu vois. Oui, c'est... Tu vois le paradoxe. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Game. Kaufman, on parle de quoi? Ah, je sais pas, écoute. On parlera de Yo-Kai Watch, une petite japonaiserie. On y retournera au Japon, tiens, on y est si bien. Voici Dua Lipa, auteur d'Anne-Elle, c'est que du fun. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets, you probably still adore me. With my hands around your neck, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not there. And you're by yourself, man, the answer to your prayers. You're my manna from heaven. We all got a gift fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make you kneel, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell. Bob Sinclair débarque dans quelques minutes sur Fun Radio. On vous offre des places pour aller faire du webkarting dans quelques minutes. Là, c'est le Fun Game avec Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et on va du côté du Japon ? Exactement, on va vous parler d'un jeu japonais qui s'appelle Yo-Kai Watch. Sachez que le deuxième épisode, à savoir Yo-Kai Watch 2, pourrait sortir chez nous prochainement. Puisque le jeu développé par Level 5, pourrait arriver sur notre continent au printemps 2017, soit entre fin mars et fin juin. Pour rappel, Yo-Kai Watch 2 sera disponible en deux versions, baptisé Yo-Kai Watch 2 Bunny Spirit et Yo-Kai Watch 2 Fleshy Souls. Ok, c'est le deuxième épisode, c'est ça, hein? Ouais, alors pour ceux qui se demandent ce que c'est ouais. Yo-Kai Watch, eh ben, c'est l'histoire d'un garçon nommé Nathan Adams, okay, ouais. Qui tombe sur une machine à capsules particulière près d'un arbre sacré, et quand il ouvre une de ces capsules, il fait apparaître un yokai nommé Whisper, donc fantôme, qui donne à Nathan un dispositif connu sous le nom de Yo-Kai Watch. Ok, très bien. Watch pour montre, évidemment. En l'utilisant, Nathan est capable d'identifier et de voir de nombreux yokai qui hantent les personnes et cause des méfaits. C'est une espèce de Pokémon, mais en plus et en moins. Enfin, c'est. Il y a des fantômes, hein, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Il y a des fantômes, et on doit faire la chasse, on doit aussi les capturer. Ça ressemble quelque part à Pokémon. C'est vraiment un phénomène japonais. Ouais. Au Japon, tous les jeunes sont dingues de Yo-Kai Watch, et le deuxième épisode sortira donc bientôt. En Europe, ça arrive en Europe. En Europe, ouais. Et on pourra le trouver chez Smart Toys. Évidemment. Et bien sûr. Sur smarttoys.be. Exactement. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec des places qu'on a à vous offrir pour aller faire du webkarting et passer une journée exceptionnel, hein. Oui, tout à fait. Vous allez passer la journée avec tous les animateurs Fun Radio, mais également avec les autres auditeurs. On sera là pour vous et on fera. Ah, on va kiffer. Ah, ensemble, oui. Vous viendrez sur le bateau faire de la vitesse. Et là, en attendant, voici Bob Sinclair, Someone Who Needs Me. C'est que du fun et on est là jusqu'à 20h. Enjoy. soirée avec Fun Radio. Je vous sers Boosty pour la suite de son Dance Floor. Il vous reste moins de 5 minutes pour gagner 2 places pour aller faire du wave karting et passer une journée exceptionnelle. Laurence et Kaufman en ont fait. Vous pouvez expliquer, Laurence, par exemple, ce que tu as ressenti, comment ça s'est passé la journée? Bah écoute, on est arrivé donc le matin et on a eu un petit cours au début pour nous expliquer voilà comment ça fonctionnait. Moi, j'ai pas très bien écouté, j'avoue. Pas prendre exemple sur moi, hein. J'étais un peu mauvais élève. Et donc du coup, bah après quand c'est fini les 10 minutes, on va directement sur No Wave Karting et à la mer. OK. Et à la mer directement et là on suit le moniteur et tout. Et à un moment après ils nous lâchent un peu, on fait un peu ce qu'on veut dans la mer. Bon, quand même, c'est quand même maîtrisé et bien tout. Sûr, ouais. Et après bah voilà, t'es là, tu kiffes vraiment. Et c'est après c'est un gros bordel. Hein. Quand ils nous lâchent, c'est un gros bordel. Kaufman a pris les rênes, il est parti. On l'a plus vu. À un moment donné, il est parti. Il est passé où Kaufman? Je le vois plus dans la mer. Écoute, j'avais un copain capitaine qui avait un chalutier, il m'a dit écoute, tu passes quand tu veux. Je me suis arrêté prendre un petit café le temps que vous arriviez en fait. C'est vraiment une journée exceptionnelle qu'on vous propose. Hein. Ah bah oui, vous allez rencontrer les animateurs Fun Radio, ceux qui vous parlent à travers votre poste chaque jour. Oui. Vous allez pouvoir discuter avec eux, mais aussi les affronter dans une joute amicale sur votre wave karting. La machine est à la fois bateau, jet ski, c'est un engin motorisé qui va vous propulser sur les vagues. Et croyez-moi, les sensations sautent en rendez-vous. On a pu tester ça il y a quelques semaines et on a kiffé notre vibe. Exactement. Comment on fait pour gagner? On a kiffé quoi en fait? On a kiffé notre vibe, j'adore. On a kiffé notre âge. Oui, exactement. Non, je sais pas, moi. Comment on fait pour gagner ces places? Vous voyez, mère, MER au 63-22. Mère au 63-22 pour 1€ le message. Et croyez-moi, pour prolonger les vacances, pour encore avoir ce petit goût dans la bouche et de vous dire en septembre, tu sais quoi, moi ce week-end, je pars à la mer. Je vais faire du wave karting avec l'équipe Fun Radio. Effectivement. Croyez-moi, vous allez revenir avec des souvenirs plein la tête, des étoiles plein les yeux. Vous pourrez inviter la personne de votre choix. Et c'est la dernière semaine. Donc qui dit dernière semaine dit dernier cadeau. Oui, donc envoyez-le ce mot. Hein, MER, MER au 6322 pour 1€ le message. On compte sur vous. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. On vous souhaite bonne chance. MER, MER au 6322. Il reste moins de 5 minutes pour gagner vos places. Envoyez MER, MER au 6322. C'est 1€ par message. Je prends un gagnant juste après. Boosty, ça vous laisse 2 minutes 47 pour envoyer MER, MER au 6322. Je vous dis bonne chance. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Le son Dance Floor. C'est Fun Radio. Fun Radio. I'm rolling down the river, my worries drown. They say that I'm a sinner, but I won't let you down. Long nights chasing the stars till the sunrise. Out of the blue under blue skies, I saw the shape of my heart. Every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love.

Tu sais pas encore? Bah écoute, tu as un peu de temps pour choisir. Ouais. Nous on te retrouve là-bas en tout cas. Et merci de nous écouter chaque jour, Anthony. Merci à vous, merci à vous. Vous déchirez cette radio. De rien, passez une bonne soirée. Bisous, bisous. Merci, apparemment. Ah, merci, bisous, bisous, bisous. On prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec les meilleurs moments de la Power. Après il y aura Autonos et Avicii et Ken Jones à 20h. C'est Party Fun qui prend le relais. Nous on se retrouve demain dès 17h. Bonne soirée, Kaufman. Ça fait plaisir de terminer l'émission comme ça. Ouais, c'est bien, hein. Ouais, c'est bien. Dynamique, et bien. Ouais, c'est bien. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Laurence. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. À ciao. Plus tard, bye bye. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Un enfant, ça fait du bruit. On comprend rien quand il parle. Alors, imaginez quand il chante. C'est le Baby Blind sur Fun Radio. Ouais, et c'est le moment ou jamais de choper du cadeau. Vous allez peut-être pouvoir repartir avec votre pack fun. Le principe du Baby Blind, bon, c'est simple. En gros, on a invité des enfants à venir dans les studios de Fun Radio. Ils ont passé toute l'après-midi avec nous. On leur a mis de la musique dans un casque et on leur a demandé de chanter ce qu'ils entendaient. Alors, au départ, on faisait ça juste avec du son dance floor, hein, mais on a décidé de compliquer un peu le truc. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle musique. Oh, il faut vrai. Juste tendre l'oreille et essayer tant bien que mal de comprendre ce qu'il essaye de chanter. Si vous avez une idée de la réponse, là on recherche on dit quoi, l'artiste. Allez, bah si vous avez une idée de l'artiste, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. 3044 pour vos messages, écoutez ça. Un oiseau, un pion, une chèvre, une lèvre, un crocodile, une fleur, une neige. Et ce soir, je m'endors au pays des merveilles. C'est une vraie chanson, ça. Mais oui, allez, sérieusement, oh. On l'a chanté quand on était petits, vous vous en Pardon souvenez pas? C'est oui, moi, ouais. Un oiseau, un enfant, une chèvre. Bah ouais, à l'école, l'artiste, c'est pour l'institutrice. Mais non, c'était pas ça du tout, c'était une vraie chanteuse. Mais ça venait pas d'un dessin animé ou d'un film? Non, je crois pas, mais le clip, c'était un dessin animé par contre. Ah, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ouh, t'as vu? Regarde sur le dos. Ouh, la culture musicale. Je suis largué, je sais même pas de quoi vous parlez. Mais de toute façon, t'étais beaucoup trop vieux à l'époque, on s'est sorti. Non, mais Fab, sérieux, t'as aucune idée? Vraiment pas. Mais genre, allez, essaye. Tape au hasard, avec un peu de chance, t'auras la bonne réponse. Et de l'autre côté de la radio, allez-y aussi. Attends, un truc, un oiseau, une chèvre, un machin. Laurie. Laurie. Ah non, c'est pas Laurie. C'est le genre de connerie qu'elle racontait, quoi. Ouais, ouais, mais non, c'est pas Laurie. Sandro, toi, du coup, t'as la bonne réponse. Ouais. Ok, bah alors je te demande pas si vous aussi, vous êtes comme Sandro, vous avez une idée de la chanteuse qui chantait ce truc, allez-y. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'inscrire. Vous envoyez votre message au 3044 avec bah, l'artiste. Voilà, l'artiste qui chantait cette chanson. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Step off the train at dawn, back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes. That I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all.